On s'aime. Mais tu sèmes. Basta avec tes oui, tes non et peut-être. Ragazza, j'ai besoin de savoir si tu veux être mon amour, mon monde, ma raison d'être. S'il te plaît, ouvre-moi ton cœur et ta fenêtre. Car quand je parle de moi, c'est comme si je parlais de toi. Tu es dans toutes mes phases, mes bonnes et mauvaises phases. Celui que tu dois être aimé, telle est la question. S'isoler ou se marier, à toi de trouver la solution. À celui qui faut la supporter, être seul ou la passion, c'est à toi de penser. Trouve ta solution, oui, trouve ta solution. Embrasse-moi, écoute ton cœur, serre-moi fort, écoute ton cœur. Embrasse-moi, écoute ton cœur, serre-moi fort, écoute ton cœur. Lo so que tu ressens quelque chose de particulier pour moi. Lo so, alors tu peux te confier à moi. J'ai tout le temps qu'il faudra. La vie d'une personne change très vite. Parfois, tu peux aussi être comme le loup dans une forêt, loin de tout, en espérant de vivre assez pour que ton rêve soit réalisé. L'erreur doit venir de la base, déjà pleine de braise. Mais même les plus belles montagnes ont des falaises. Alors il faudra du temps avant que tu sois à l'aise. C'est clair que ton passé ne t'aidera pas, vu tes expériences négatives avec ces gars. Et toi, tu n'es pas comme ces femmes qui vont au motel et qui se font traiter avec des motel de prostituées. Alors embrasse-moi, écoute ton cœur, serre-moi fort, écoute ton cœur. Embrasse-moi, écoute ton cœur, serre-moi fort, écoute ton cœur. Coupe la distance qui nous sépare, suis ta conscience, détruis le rempart. Donne-moi la délivrance et je ferai ma part. Ce silence et construit un nouveau départ. Car on s'aime et toi, pour l'instant tu sèmes que le doute en toi. Écoute ton cœur, oui, écoute ton cœur. Baci, baci, baci, uccide la distanza. Baci, baci, baci, mi ci troppa ansia. Di averti vicino a me, finché il mio cuore batterà per te. Sarai il mio angelo custode, e quanto sarò con te, vorrei solo che mi baci, baci, baci. Être avec une fille, ce n'est pas toujours facile. Elle te demande toujours, donne-moi plus d'amour. Mais quand tu le fais, tu ressens du rejet. Et pourquoi être avec elle, seulement quand elle t'appelle? Si tu choisis d'être avec ta bien-aimée, n'oublie pas que c'est jamais comme à la télé, où les blancs en y sont à volonté. Elle te séduise et puis quitter. Mais dans la vie, il y en a aussi qui te fournissent beaucoup plus de soucis. Pourquoi les brunes font tous des pubs, toujours bien coiffées, bien maquillées, pour chanter leurs pubs? Dans la vie, elle te donne beaucoup de bisous, pour te pomper tous tes sous. J'oubliais les rousses, toutes animatrices, pour des émissions très dynamique, mais dans la vie elles te font toutes des promesses qui se modifient comme une page d'internet. Coupe la distance qui nous sépare, suis ta conscience, détruis le rempart. Donne-moi la délivrance et je ferai ma part. Tu ce silence et construis un nouveau départ. Car on s'aime et toi, pour l'instant tu sèmes que le doute en toi. Écoute ton cœur, oui, écoute ton cœur. Baci, baci, baci, uccide la distanza. Baci, baci, baci, in me c'è troppa ansia. Di averti vicino a me, finché il mio cuore batterà per te. Sarai il mio angelo custode, e quanto sarò con te, vorrei solo che mi baci, baci, baci. Solitude ou être aimé, telle est la question. S'isoler ou se marier, à toi de trouver la solution. La solitude, faut la supporter. Être seul ou la passion, c'est à toi de penser. Trouve ta solution, écoute ton cœur.